l'impression de tourner en rond dans un bocal comme un poisson. Faudrait que je me tire, que je me casse, que je m'arrache, mais pas la tête à grands coups de hache. Que je gravisse les marches une à une, que je fasse ma place, que je décroche un ticket pour la lune. J'ai l'impression que ça vole pas bien haut dans une cage comme un oiseau. Faudrait que je me casse, que je me tire, que je m'arrache, mais pas à l'arrache, pour pas rater une marche. Et me retrouver en dernière position, être le premier à mordre à l'hameçon. À mordre à l'hameçon. J'ai l'impression de tourner en rond dans un bocal comme un poisson. Faudrait que je m'en aille, que je me tire, que je me casse, que la folie retrouve jamais ma trace. Faudrait que je lasse mes godasses, mais là c'est trop, mais là c'est trop court, et je suis à court, et j'accours. Et j'accours. J'ai l'impression que ça vole pas bien haut dans une cage comme un oiseau. Faudrait que je me tire, que je me casse, que je me taille avant que mon environnement fête mes funérailles. Que je déraille pas, que je m'en racaille pas, car la police ne pourra pas me faire passer par tous les vices. Les vices que je porte sur moi comme un pantalon trop court qui vous étrigue et qui vous joue des tours par-ci, des tours par-là. Mais à force de faire des détours, je ne pourrai plus faire demi-tour, demi-tour. J'ai l'impression d'être comme un chat d'appartement, de n'avoir jamais vu dehors et de ne pas savoir comment. C'est fait ailleurs, loin des grises saisons, loin des trésors et des odeurs qui me feront mordre à l'hameçon, mordre à l'hameçon. Comme un poisson dans un bocal, prêt à mordre à l'hameçon, prêt à mordre à l'hameçon.